Chapitre 16. Comment le monde prendra-t-il fin? Quand vos grands-parents étaient jeunes, Maddy et Izzy, beaucoup de gens étaient très optimistes quant à l'avenir. La science avait fait d'énormes progrès au XXe siècle. Des remèdes avaient été découverts pour des maladies mortelles. Nous avions appris à voler. Nous avions des téléviseurs couleur dans nos salons et des téléphones portables dans nos poches. Les ordinateurs avaient révolutionné à peu près tout. Les hommes avaient même marché sur la Lune. Il était difficile de suivre tous ces changements, et tout indiquait que la science allait accomplir des choses encore plus grandes au XXIe siècle. Malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup moins optimistes. La science, que nous pensions capable de construire l'utopie, ne semble plus être une bénédiction inconditionnelle. Nos déchets ont tellement pollué notre planète que les animaux sont en train de mourir. Les émissions de nos industries, de nos voitures et de nos maisons ont provoqué un réchauffement climatique potentiellement désastreux. De nouveaux virus dangereux apparaissent plus vite que nous ne pouvons mettre au point des traitements. Des armes nucléaires sont stockées partout dans le monde, capables de détruire tout ce qui vit sur la surface de la Terre. Certains craignent même que nos ordinateurs deviennent plus intelligents que nous et décident que nous sommes un obstacle inefficace et inutile à leur évolution. La fin du monde était autrefois un sujet dont seuls les fanatiques religieux discutaient. Aujourd'hui, cela semble être une possibilité effrayante et réelle. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre pour vous. Car l'une des plus grandes choses, selon moi, dans le fait d'être chrétien, c'est la confiance que cela vous donne en l'avenir, une confiance qui ne repose pas sur des plans humains, si susceptibles d'être déçus, mais sur un plan divin qui ne peut échouer. Dans ce dernier chapitre, laissez-moi vous en parler. Serons-nous prévenus à l'avance de la fin du monde? La première chose que je dois faire est de vous mettre en garde contre les personnes qui parlent beaucoup des signes de la fin, et enseigne que ceux-ci constituent une sorte de compte à rebours qui permettra à ceux qui sont dans le secret d'anticiper la fin du monde avant qu'elle n'arrive. Certaines sectes, comme les Témoins de Jéhovah, ont même prétendu avoir calculé la date de la fin, bien qu'elles aient été contraintes de modifier leurs prédictions à plusieurs reprises lorsque l'histoire leur a donné tort. Méfiez-vous de ce genre d'absurdité. Je ne pense pas que la Bible les soutienne. Il existe plusieurs passages dans les évangiles où Jésus met explicitement en garde ses disciples à ce sujet. À une occasion, par exemple, alors qu'il se trouvait à Jérusalem avec ses disciples, Jésus attira leur attention sur la magnifique architecture en pierre du temple. Puis, d'une manière presque désinvolte, il fit remarquer que ce bâtiment magnifique et important, qui se trouvait au centre même de la foi juive à cette époque, était destiné à être complètement détruit. Ses disciples furent naturellement choqués et supposèrent qu'une telle catastrophe nationale serait un signe clair de l'imminence de la fin du monde. Cela les incita à demander plus de détails à Jésus. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Matthieu 24, 1 à 3. Jésus finit par répondre à leur demande d'informations supplémentaires sur la chute prochaine de Jérusalem. Il s'attendait clairement à ce qu'elle se produise du vivant de certains de ceux qui se tenaient là avec lui et leur donna des conseils avisés sur ce qu'il fallait faire lorsque cela arriverait. Voir Matthieu 24, 15 à 25. Mais sa réponse immédiate fut de les mettre en garde contre les dangers de rechercher les signes de la fin. « Prenez garde que personne ne vous séduise, » dit-il. Des faux enseignants plausibles allaient apparaître et utiliser des événements troublants, comme la destruction du temple, pour égarer beaucoup de gens. Matthieu 24, 4, 23 à 25. « La triste réalité, » disait-il, « est que nous devons nous attendre à de nombreux troubles de ce genre, non seulement immédiatement avant la fin du monde, mais tout au long de la longue période qui suivrait son départ. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, mais ne vous alarmez pas. Il faut que ces choses arrivent, mais ce n'est pas encore la fin. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela n'est que le commencement des douleurs. » Matthieu 24, 6 à 8. La prédiction de Jésus concernant la destruction du temple de Jérusalem s'est réalisée en 70 après Jésus-Christ. Mais comme il l'avait prévu, bien que cet événement dévastateur ait traumatisé le peuple juif, il n'a pas marqué la fin du monde. Il a ensuite mis en garde contre les persécutions et l'augmentation générale de la méchanceté qui, combinée aux austérités dues aux conflits militaires et aux catastrophes naturelles qu'il avait déjà mentionnées, amènerait de nombreux chrétiens à perdre leurs ailes spirituelles, voire à renoncer complètement à leur foi. c'est en persévérant pendant cette longue période de tribulation que ceux qui lui appartenaient véritablement prouveraient leur fidélité à son égard et seraient sauvés. Matthieu 24, 9 à 13. Il n'y a qu'une seule chose que Jésus a dit dans cette conversation clé avec ses disciples qui puisse peut-être fournir un indice sur le moment de la fin. Il a promis que le message chrétien serait prêché dans le monde entier, afin que chacun ait la possibilité de trouver le salut qu'il contient. Matthieu 24, 14. Plus de 20 siècles se sont écoulés depuis que Jésus a prononcé ces paroles, et il est certain que son Église s'est répandue. Y a-t-il encore aujourd'hui des nations dans le monde où il n'y a pas de chrétiens qui témoignent? Je n'en suis pas sûr, mais elles doivent être très peu nombreuses. Cela signifie-t-il que nous sommes proches de la fin du monde? Il y a certainement des chrétiens qui le pensent. Mais je pense que la chose la plus importante que Jésus a dit, c'est que personne ne savait quand la fin viendrait, pas même lui. Matthieu 24, 36. De plus, quand elle viendrait, personne ne s'y attendrait particulièrement. Matthieu 24, 30. Ainsi, la seule attitude sûre que les croyants chrétiens puissent adopter est celle d'une préparation permanente. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Vous devez donc être prêt, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne l'attendez pas. Matthieu 24, 42, 44. Que se passera-t-il à la fin du monde? La Bible apporte de nombreuses réponses à cette question. Non pas pour alimenter les vaines tentatives des fanatiques qui cherchent à déterminer la date, mais pour nous mettre en garde contre la négligence des choses spirituelles et nous encourager dans les moments d'épreuve. Je voudrais terminer ce livre en résumant ce qui nous est dit à l'aide des mots de la Bible elle-même. Jésus reviendra sur terre dans une grande gloire. À ce moment-là, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et toutes les nations de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité du ciel à l'autre. Matthieu 24, 30 à 31. Ce sera donc un événement public et mondial. Il n'y aura aucun doute sur ce qui se passe. L'humanité sera divisée. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône dans la gloire céleste. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé depuis la création du monde. » Puis il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, vous qui êtes maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Alors ils s'en iront vers un châtiment éternel, mais les justes vers la vie éternelle. Matthieu 25, 31 à 34, 41, 46. Il n'y a donc que deux groupes auxquels nous pouvons finalement appartenir, les sauvés et les perdus. Les chrétiens qui sont déjà morts seront ressuscités. Selon la parole même du Seigneur, nous vous déclarons que nous, qui sommes encore vivants, qui sommes restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne précéderons certainement pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, avec la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui sommes encore vivants et qui sommes restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. Première épître aux Thessaloniciens 4, 15 à 18. Ainsi, notre identité individuelle sera préservée, mais notre nature physique sera transformée. Ce monde et tout le mal qui s'y trouve seront détruits, et un monde nouveau commencera. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Les cieux disparaîtront dans un grondement, les éléments seront détruits par le feu, et la terre et tout ce qu'elle contient seront mis à nu. Mais, conformément à sa promesse, nous attendons avec impatience de nouveaux cieux et une nouvelle terre, la demeure de la justice. 2 Pierre 3, 10, 13. Ainsi, la fin du monde ne sera pas vraiment la fin, mais un tout nouveau commencement. Dans les derniers chapitres de la Bible, l'apôtre Jean, alors âgé, décrit sa vision de ce que sera ce nouveau commencement. Il utilise un langage symbolique pour décrire quelque chose d'incroyablement beau, quelque chose dont Paul dit « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » 1 Épître aux Corinthiens 2:9. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, de chez Dieu. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait, « Maintenant, la demeure de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car l'ancien ordre des choses a disparu. » Apocalypse 21, 1 à 4.